Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 10 janvier. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de Marie Besson de Tolbeau-Missisquoi. Marie Besson qui a perdu en finale lors des championnats canadiens Elite 8 qui se déroulaient à Montréal. En fait, Marie Besson était rendue en finale et elle s'est cassé le nez durant ce match. Donc malheureusement, elle a dû se contenter de la médaille d'argent. On a parlé avec Marc-André Guénard, qui est le père de Laura Guénard, hier dans la section entrevue de radiosport.com. On sait que Laura Guénard va participer pour la première fois au championnat canadien junior qui aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. Ça aura lieu à la fin janvier. Marc-André Guénard, évidemment, mentionne que ça n'a pas été nécessairement facile de se qualifier. 2012, se qualifier Ouais. pour ce tournoi-là. Il y a eu quelques passés proches, une année ou deux des déceptions. Et puis cette année, ben, l'équipe avec qui Laura évolue était quand même encore classée numéro un dans le tournoi. Mais comme on dit souvent, c'est un tournoi de même. C'est pas un 4 de 7, hein. Des fois, en Ouais. finale, c'est un match. En semi-finale, c'est un match. Tout peut arriver. Fait que, non, les filles, ils ont très, très, très bien performé en fin de semaine. Puis Mais toute la semaine passée, là. puis la compétition était forte aussi. Marc-André Guénard mentionne dans un deuxième temps que c'est pas nécessairement facile non plus d'installer une chimie, puisque une joueuse est à Québec, une joueuse est à Alma, l'autre est à Dolbeau et l'autre est également à Montréal. Ah non, c'est pas facile. L'équipe s'est composée à la fin d'année passée, là, vers le mois de mars. Il y a eu, depuis ce temps-là, il y a eu une pratique, environ une pratique par mois à Québec. Le lieu de rassemblement, c'est Québec. Une fois par mois, il y a des pratiques, une fois ou deux par mois, plus les tournois des circuits, là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça a été plus long à mettre en marche, là. C'est les joueurs qui se Contrairement connaissaient. à des équipes qui pratiquent hebdomadairement ensemble, qui font des games ensemble, nous autres, l'équipe était composée de joueurs, on peut dire d'élite, mais que ça prend un certain temps avant que la chimie s'installe. Puis des fois, aussi, le fait que quand veux pas, tu penses que t'as des très bons joueurs, tu penses que ça va arriver tout seul, puis c'est pas tout à fait ça, là. Et dans un dernier temps, Marc-André Guénard mentionne qu'il y a une possibilité de podium pour cette équipe au championnat canadien junior. C'est très, très. Ça va être fort, là. Tu s'en vas affronter des provinces comme l'Alberta, Manitoba, l'Ontario. Mais d'après l'entraîneur, il y a quand même des chances de podium. Donc, Ah oui? il OK. part pas confiant à 100%, mais les chances de podium sont quand même là. Maintenant, on va parler de CrossFit. Catherine Saint-Gelais, la sœur de Marianne Saint-Gelais, va participer à une compétition d'envergure qui aura lieu en Floride du 12 au 15 janvier. Donc, c'est à partir de jeudi. Catherine Saint-Gelais qui a réussi à se classer parmi un groupe parmi 200 équipes lors de cette compétition. Elle et ses compagnes Audrey Paradis et Mirakim Couvrette ont réussi l'exploit. Donc, on va essayer de la rejoindre au cours de la prochaine semaine pour savoir un peu à quoi s'en tenir de cette compétition. Maintenant, le 4 février prochain, on va aller à Normandin, la visite des anciens Canadiens. Hier, on a parlé avec le porte-parole de l'activité, qui est Raoul Boivin. Et en entrevue sur les ondes de Dan, radiosport.com, Raoul Boivin a mentionné qu'on avait pensé depuis un certain temps organiser cette activité. L'idée est venue que ça avait déjà été fait, puis ça avait fait un franc succès. Puis mes collègues des Chevaliers de Colomb ont pensé que ce serait encore une bonne idée de le faire, quoi, que quelques 2 ans, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont venus déjà en Normandie. Mais moi, j'étais pas allé à ce moment-là. On espère ramasser pas moins de 10 000 $ pour cette soirée. Et les portes du Centre sportif de Normandin vont ouvrir à compter de 17h30. Les billets sont en vente chez Intersport, secteur Dolbeau. Et samedi après-midi, il y aura une activité également chez Ganter, où encore une fois, les billets seront en vente. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. On s'est également entretenu aussi avec Raoul Boivin, le porte-parole de l'activité du 4 février prochain à Normandin. Et aussi, vous pouvez écouter la chronique ou encore l'entrevue que j'ai réalisée avec Marc-André Guénard, où on parle de la participation de Laurent Guénard au championnat canadien junior de curling qui auront lieu à Victoria. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.